bien pris pour manque de jugement. Je crois que j'ai le ticket gagnant. Éclat des livres. Écrit par Serial Liseuse. Lu par J0305. Avant-propos. Cette fanfiction est ma première publiée sur la plateforme. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je n'ai pas pu résister quand j'ai vu à quel point Wattpad manque cruellement de thèses. Pour le confort de votre lecture, cette longue histoire a été coupée en deux parties. La séparation n'a rien à voir avec l'idée de chapitre. Elle est simplement à l'endroit le plus cohérent pour le nombre de mots et l'intrigue. Bonne lecture! Blaise Zabini aurait pu écrire une thèse sur l'évolution de Théodore Nott à travers ses lectures. La pensée même d'un tel effort est une immense preuve d'affection puisque, premièrement, peu de personnes sont considérées dignes de son attention dans ce bas monde. Deuxièmement, le jeune homme déteste tout écrit qui n'implique pas une brûlante description de débats langoureux. Et, troisièmement, cet aveu réduit quelque peu à néant son image de dragueur insensible. Ce qui est ridicule et désastreux, mais ne l'affecte pas car, quatrièmement, les pieds de livre de Théo sont tout simplement fascinantes en révélation. Son meilleur ami a commencé, comme tous les petits garçons, du moins, Blaise le suppose, puisque lui-même n'est pas particulièrement adepte de l'action de fixer une page de lettres en prétendant qu'un monde s'ouvre devant lui, avec des romans d'aventure. Le joli métis a mis plusieurs mois avant de comprendre que ses ouvrages permettaient au gamin gringalet de fuir la réalité, c'est-à-dire sa famille de connards. Il ne dira pas qu'il est désolé, parce que l'injure est amplement méritée. Sa solitude au château et sa mélancolie. Théo s'évade donc dans des univers passionnants, écrits par des sangs purs d'abord, William et la mort sans fond, les cinq baguettes d'Harriet, influencés par ses parents. Au fur et à mesure que le petit brun s'attache à Poudlard et à Blaise, dont la conduite est, soi-disant, à problème, il se détache de l'influence familiale et ose emprunter les fictions moldues de la bibliothèque du château. Le Serpenteur voit défiler sur la table de chevet de son voisin Percy Jackson, Oxa Pollock, Artemis Fowl et un milliard d'autres ouvrages éponymes dont les titres lui échappent maintenant. Théo lui raconte avec enthousiasme ses lectures, qu'il ose même un jour qualifier de 1000 fois plus intéressantes que les aventures magiques traditionnelles écrites par des sorciers. Il semble que vivre la magie soit le meilleur moyen de noyer l'imagination. Après un milliard d'allers-retours devant Madame Pince et des heures de compte rendu par Théodore de livres dont il ne verra jamais que la couverture, la première année de Blaise est écoulée et le petit serpentard qu'il couvait a grandi. À la rentrée suivante, Théo déclare d'un ton hautain que les histoires fictives sont pour les gamins. « Ce qui est intéressant, lui confie-t-il, avec son adorable air sérieux, ce sont les faits historiques. Les personnages facétieux et les typographies originales des couvertures laissent place à des fonds grisâtres et à des titres ennuyeux à mourir. » Le jeune métis regrette amèrement la phase aventure magique de son ami. L'entendre raconter la quatrième guerre des gobelins est bien moins passionnant que le récit de déambulation de demi-dieux. Le serpentard orgueilleux se plaint, râle, tempête. Toutefois, il ne refuse pas une seule fois d'écouter Théo lui narrer ses lectures. La lueur éclatante dans ses yeux verts est trop précieuse pour le métis, du style enduré des dizaines de récits barbants vieux de plusieurs siècles. Blaise le voit alors comme un intérêt purement amical envers les loisirs du petit brun, bien qu'il soit inintéressant au possible. Seulement, le dernier jour de l'année scolaire, à la sortie du Poudlard Express, quand il entend le père de Théo se vanter des connaissances enfin ancrées dans la réalité de son fils, le jeune garçon comprend. Le brun a renoncé à ses mondes fantastiques, en grande partie pour ne pas décevoir les attentes de sa famille. Blaise serre alors ses petits poings dans sa robe à la dernière mode et se promet que, plus jamais, il ne jugera les goûts littéraires de son camarade. La troisième année arrive, et dès lors, la soif de savoir de Théo grandit si vite que 365 jours ne suffisent pas pour qu'il explore un genre littéraire. Blaise voit défiler dans le dortoir romans d'horreur, traités philosophiques, mythes et légendes du monde entier, classiques sorciers comme Moldus, nouvelles policières et recueils de poésie, dans un ballet incessant, avec une préférence pour les derniers, puisque réciter un des vers évoqués par le brun lui permettra de charmer plusieurs serres d'aigle. Théo mélange toutes les catégories citées, et le serpentard apprend à discerner son humeur quotidienne rien qu'avec un coup d'œil à la couverture du livre qu'il cache au petit déjeuner. Les enquêtes de détectives et les meurtres en théorie inexplicable sont pour le Théo vaniteux et fier. Les mythes sont réservés au Théo enjoué, la philosophie au Théo bouleversé et effrayé de ne pas trouver sa raison d'être. La poésie, elle, est plus délicate à comprendre. Cependant, après plusieurs semaines de trac aux émotions, il apparaît clair à Blaise qu'elle révèle un Théo dissipé et hésitant. Ces observations-là, le métis les range soigneusement dans un coin de sa tête et les réutilise à chaque occasion. Théo est inquiet d'avoir mal répondu aux questions du devoir de potion. Le Serpentard glisse discrètement une nouvelle de Sherlock Holmes sur la petite table commune à leurs deux lits. Le lendemain, l'angoisse du brun s'est évanouie et il écarte d'un geste assuré de la main le sujet de l'évaluation lorsque Pansy l'aborde. Blaise œuvre ainsi dans l'ombre, ravi de pouvoir maintenir un Théodore Nott heureux et en bonne santé. N'importe quel ami assez observateur en aurait fait autant. Le joli métis en est sûr. Et puis soudainement, un après-midi quelconque de leur cinquième année, le seul genre jusque-là boudé par le grand lecteur fait son apparition. Blaise manque de ne pas s'en apercevoir d'abord, parce que les ouvrages ne présentent que des couvertures précieuses et élégantes, sans mention du titre. Le Serpentard aux yeux bruns se fait la réflexion que, enfin, Nott a réalisé que ses livres au format poche étaient informes et s'est décidé à investir dans des éditions qui ne ridiculisent pas leur tas de chevet. Toutefois, Blaise étant la fouine curieuse qu'il est, quoique Malfoy soit davantage la fouine de leur groupe, il s'assure qu'il est le seul dans la pièce et feuillette rapidement l'ouvrage. Au départ, ces mots lisent des mots ordinaires tels que « le gentilhomme boutonnant son veston » et autres banalités. Puis tout à coup, ses sourcils se froncent alors qu'il bute sur un inattendu. Il gémit contre sa bouche lorsque leurs langues dansèrent langoureusement. La première chose qui lui traverse l'esprit est « mon poulain a bien grandi ». La seconde est « il ne m'a jamais raconté cette histoire-là ». Et la dernière, peut-être que je lui emprunterai. Le Serpentard est surpris, choqué même, mais un sentiment rassurant de fatalité l'entoure surtout. Théo ne pouvait pas rester un adolescent dépourvu de phéromones pour toujours, et le fait que son ami le plus proche le rejoigne dans le bal passionnant des sentiments le ravit. Comme l'homme obstiné et dépourvu de tact qu'il devient en présence du brun, le jeune homme décide de le confronter le soir même. Les garçons sont assis sur le lit de Blaise, qui brandit d'un air goguenard sa trouvaille. Il commence son discours, spontané, et non pas préparé à l'avance comme les autres êtres humains dépourvus de ses talents oratoires, destinés à rassurer Théo sur la normalité des pulsions sexuelles qu'il commence sans aucun doute à ressentir. Blaise espérait une discussion à cœur ouvert, emplie de caramadrie masculine, et un soulagement teinté de gêne dans les yeux du brun. Cependant, son meilleur ami le fixe avec un regard irrité. Le grand lecteur lui explique en quelques mots que « non merci, son corps ne fait état d'aucune pulsion et que le livre que Blaise tient dans ses mains est lu, non pas pour assouvir des fantasmes prépubères, mais parce que l'intrigue lui plaît. » Théo ajoute d'un ton provocateur que l'une des autres causes de sa lecture est de pouvoir mieux comprendre comment les êtres humains peuvent être submergés par un désir superficiel et paresseux de luxure. Blaise s'indigne, le brun lève les yeux au ciel et le reste de la soirée se déroule conformément à leurs habitudes, bien que le métis aux yeux chocolat soit déçu d'avoir vu son monologue sur la nature primitive d'un homme écourté. Depuis, Blaise continue à influencer avec toute la subtilité dont il est capable, beaucoup lorsque cela se concerne un certain jeune homme aux yeux verts, les humeurs de son voisin de chevet et de prêter une oreille attentive à ses descriptions de lecture, en particulier lorsqu'il s'agit de romans à l'eau de rose. Des pulsions masculines n'apparaissent jamais chez Théo, et le métis reprend le cours de ses opérations de charme sur tous les élèves de Poudlard jugés dignes de sa personne. Les deux amis n'évoquent plus le sujet de la vie sexuelle ou romantique de Théo, et le Serpentard réalise que, bien que l'entièreté du château le prenne pour un infatigable coureur de jupons, il est ravi de pouvoir aborder d'autres sujets que les sentiments ou le sexe avec le brun. Bien sûr, il y a quelques exceptions où il se querelle encore sur l'intérêt des rapprochements physiques voluptueux entre deux individus, où un Blaise plus très sobre s'étale sur le sujet de ses conquêtes. Cependant, ces instants restent minoritaires. Le jeune métis est interrompu dans ses réflexions par une main qui frôle son épaule et une tête à la tignasse brune qui choie sur ses genoux. Théo, évidemment. Son livre du moment à la main, ce dernier s'installe confortablement, puis reprend sa lecture comme si le cœur de Blaise ne venait pas de s'arrêter 5 fois. Bon, il est peut-être un peu dramatique. La vérité est que ses battements de cœur ont ralenti pour anticiper ce qui va suivre. Le plaisir d'un contact prolongé avec le corps allongé de Théodore Nott. Les mains du Serpentard se logent dans la chevelure du lecteur, sans même qu'il ait le temps de penser au mouvement, et ses doigts caressent tendrement le scalp de son camarade. Théo émet un « hum » approbateur, sans détacher ses yeux de sa page, et, à l'intérieur de Blaise, quelque chose se fracasse parce qu'il est en train de masser avec attention le crâne de son « ami », et que c'est comme ça que le concerné le considère, comme un stupide et simple « ami », alors même qu'il n'a jamais des gestes aussi affectueux pour tous ceux qui ont partagé son lit, et que la situation ne changera jamais. Jamais, car Théo est un abruti aussi magnifique que convaincu que l'amour est une chimère, et que comment pourra-t-il résister pendant les dizaines d'années qui suivront, lorsque Théo s'éloignera, parce que ça arrivera inévitablement, et qu'ils ne seront rien de plus que des connaissances superficielles qui n'ont plus de contact physique autre que des effleurements platoniques de coudes lors de dîners impersonnels et bruyants. La respiration régulière du garçon allongé sur lui arrête la spirale infinie de pensées de Blaise. Le serpenteur se force à inspirer et expirer en même temps que son ami, les yeux tournés vers le plafond. 1, 2, 1, 2. Peu à peu, le jeune Italien s'apaise. Ses considérations effrayantes, il les a déjà eues 1000 fois. Pourtant, elles réussissent toujours à blesser aussi profondément la seule partie intacte de son cœur, en pièces détachées. Oui, il est amoureux de son meilleur ami. Oui, celui-ci n'a jamais fait état d'un quelconque intérêt pour les activités romantiques. Oui, même si cet intérêt se développait, le métis semble être à l'opposé de ce qui serait le type de Théo, soit cultivé, passionné d'histoire, calme et de sexe féminin. Oui, dans le cas improbable où Théo serait disposé à partager ses sentiments, il n'y a aucune chance qu'ils deviennent un jour un couple, car l'autre partie du duo le considère comme un dragueur sans cervelle. Oui, il est conscient que tout semble désespéré et, pire encore, tout l'est. Toutefois, Blaise Sabini a essayé 1000 fois de se débarrasser de ses sentiments non désirés, et ils sont chaque fois revenus intacts. L'une des tentatives implique même un exorciste sorcier et des pattes de canard. Il a donc accepté la situation et s'est décidé à ne surtout pas l'aggraver, ou, en des termes plus simples, à subir quotidiennement la souffrance d'un amour non partagé, rien que pour conserver l'amitié d'un certain sorcier aux yeux verts ensorcelants. Après 1 heure de lecture paisible pour Théo et d'intenses rêveries pour Blaise, plusieurs tentatives par leurs camarades de les faire bouger du canapé vers Olive du dortoir et une sensation croissante d'engourdissement dans sa jambe gauche devenue insupportable, Blaise se décide à bouger brusquement ses genoux. La tête de son ami sursaute et le lecteur lui lance un regard courroucé, auquel le métis répond par une mine malicieuse. « Je ne doute pas du confort de cette position pour la larve que tu es, mais moi, j'arrive à mes limites. Toi qui te vantes toujours de ton endurance, soupire Théo. » Un sourire amusé s'installe sur la bouche de Blaise à la plaisanterie sur ses exploits dans la chambre à coucher. Malgré sa pique, Théo obtempère. Pour se venger du traitement fait à son crâne, il se redresse aussi lentement que possible et prend bien soin d'écraser les membres de Blaise. Le métis aux yeux chocolat lève les yeux au ciel et murmure une insulte plus tendre qu'agressive. Râler, se moquer l'un de l'autre et rire ensemble des défauts du reste du monde, c'est ça la dynamique de leur relation, et le serpenteur ne les changerait pour rien au monde. « Quel livre a l'honneur d'être entre les mains du grand Théodore Nott aujourd'hui ?» questionne-t-il, pour que la conversation démarre réellement. Et aussi parce que voir le serpenteur s'enthousiasmer à propos d'un assemblage de mots est un des plus grands plaisirs que la vie lui offre. Théo se cale confortablement contre le dossier du canapé et lui tend l'assemblage de mots en question. « La princesse de Clèves », déchiffre Blaise en français, avec son fort accent. Navrant pour le garçon aux yeux verts à sa gauche et séduisant pour le reste de l'humanité. Parce que, bien sûr, en plus de pouvoir citer mot pour mot plusieurs articles du Code civil sorcier, de connaître chaque croix moldue ayant régné en faveur du monde magique et de savoir distinguer une allitération d'une assonance, Théo maîtrise le français, l'anglais, le grec, ancien et nouveau, et quelques rudiments d'allemand. Avant de le rencontrer, Blaise se considérait lui-même comme quelqu'un d'anormalement doué en langue, puisqu'il parle couramment anglais et italien. Sauf que, évidemment, Théodore Nott est un petit génie autodidacte, alors que lui a pu compter sur de nombreux séjours à Milan auprès de sa famille native du pays. Avec n'importe qui d'autre, le jeune métis se sentirait rabaissé dans son orgueil. Toutefois, Théo parlant une autre langue que l'anglais appartient à son top 3 personnel des sons les plus harmonieux de l'univers. Théo pouffe à sa prononciation du titre, et Blaise, piqué dans sa fierté, hasarde une traduction en anglais avec le mince vocabulaire français que son cerveau réussit à emmagasiner durant sa courte existence. « La princesse se lève ?» L'autre jeune homme glousse de plus belle en entendant sa proposition. Si Blaise n'apprécie pas autant de voir Théo rire, il aurait déjà répliqué par une pique défensive. Toutefois, le métis sait d'avance que son ami d'enfance s'étonnerait de le voir sourire à ses moqueries, et il répond donc avec un air boudeur. « Quoi ? Traduis-le à toi, si t'es si intelligent. » La phrase est plus tendre qu'agacée parce que, évidemment, Théo sait ce que le titre veut dire, puisque le bouquin entier est en français et qu'il le comprend. Le brun ne se fait pas prier et s'exécute avec un sourire supérieur. Clèves n'a rien à voir avec l'action de se lever. C'est le nom de famille de l'héroïne. Le titre est simplement « La princesse de Clèves ». Je n'arrive pas à croire que tu saches pas traduire un groupe de mots aussi élémentaire, prend-il plaisir à répondre. « Excuse-moi de ne pas passer tout mon temps libre la tête dans un bouquin », râle le métis aux yeux chocolat. « Bon, tu me racontes ? J'ai des loisirs, moi, figure-toi. » »« Pas besoin de te plaindre. » C'est l'histoire d'une femme qui arrive à la cour du roi de France pour se marier. Évidemment, elle est magnifique et elle a beaucoup de prétendants, tous des hommes très beaux. Blaise s'amuse des sarcasmes sur les clichés du genre par son ami. Théo est toujours très critique vis-à-vis des histoires romantiques. Deux en particulier se détachent des autres, le duc de Guise, un peu trop effacé à mon goût, et le prince de Clèves, un parti très honorable. « Attends !» s'indigne le Serpentard. « C'est complètement stupide. On sait déjà qui elle va choisir. Le titre du livre est « La princesse de Clèves ». Théo lui lance son célèbre regard. « Wow, tu repousses encore les limites de la stupidité. » Il articule lentement. Blaise, le but d'un livre n'est jamais de deviner qui sera le partenaire final du héros. Soit on le comprend dès les premiers chapitres, si on a un tant soit peu d'intelligence, soit on le sait dès le départ. Comme tu l'as si brillamment déduit du titre que je t'ai traduit, elle se marie avec le prince de Clèves. Il est bon, tendre et respectable. Malheureusement, elle rencontre peu après le duc de Nemours et ils tombent tous deux amoureux. L'héroïne souffre de sa passion en silence et garde une conduite respectueuse vis-à-vis du duc. Elle confie même à son mari ses sentiments pour qu'il l'aide à les repousser. Le Serpentard, jusqu'à la propulser dans l'histoire par le ton expressif de Théo, pousse une exclamation révoltée. Le brun lui intime d'un regard glacial de se taire pour pouvoir continuer son récit en paix. Je t'épargne les digressions faites par l'autrice et les événements mineurs du style blessure ou voyeurisme. Blaise lève un sourcil amusé. Les Français ont toujours montré leurs sentiments avec plus d'ardeur que les Britanniques. Finalement, le prince de Clèves meurt de chagrin parce qu'il est persuadé que sa femme l'a trompé avec le duc de Nemours, qui est aussi son meilleur ami. La princesse de Clèves est dévastée par la mort de son époux, bien qu'elle ne l'ait pas trompé. Le duc insiste pour qu'ils vivent leur amour au grand jour, maintenant qu'elle n'est plus liée à un autre homme. Toutefois, elle refuse d'abandonner ses principes et s'enfuit pour ne pas céder à la tentation. Blaise attend quelques secondes pour s'assurer que son ami ne va pas ajouter quelque chose. Enfin, même si le truc semble vieux de plusieurs siècles, la fin ne peut pas être aussi stupide. Passé ce délai, il s'écrie avec le tact qui le caractérise. « C'est complètement idiot !» Théo ne branche pas et dégaine simplement son fameux soupir. « Tu ne comprendrais pas, tu es bien trop sain d'esprit. » Blaise, son mari est mort à cause de ses sentiments mal placés. « N'importe quel être humain serait traumatisé par un drame pareil, » explique-t-il d'un ton solennel. « Raison de plus pour se marier avec le duc !» se défend l'Italien métissé. Elle a droit au bonheur après des années de retenue. Mais un mariage avec le duc ne ferait pas son bonheur, s'exclame Théo en agitant ses longs doigts. Il finira par tomber amoureux d'une autre femme et elle deviendra une vieille dame jalouse et aigrie. Un protocole d'alarme se déclenche dans la tête du bel Italien, avec une sonnerie stridente et des flashs de lumière qui indiquent clairement « Théo, énervé, s'arrêter ». Toutefois, parce que Blaise est un crétin fini bien trop fier et parce qu'il a l'impression que cette conversation traite d'un problème bien plus important que les démêlés amoureux d'une prétendue princesse du Moyen-Âge, il décide de poursuivre son argumentation. Cela peut paraître ridicule de la part d'un gars dont la mère a divorcé 7 fois, mais tous les hommes ne se lassent pas, Théo. Bien sûr que si! L'amour n'est pas un sentiment fait pour durer, et toi et tes dizaines de flirts en êtes bien la preuve, réplique le jeune sorcier d'un ton amer. Entendre la personne pour laquelle il a des sentiments depuis plus de 4 ans lui déclarer que l'amour est un sentiment éphémère donne à Blaise une furieuse et incontrôlable envie de rigoler. Ce qui franchit ses lèvres, toutefois, est davantage un grincement désespéré qu'un élégant rire détaché. Comment un jeune homme aussi intelligent et splendide peut-il sérieusement penser que ses coups d'un soir possèdent quelque influence sur les battements de son cœur, alors que lui-même est celui qui en détient la clé depuis tant d'années? Peu de gens décriraient Blaise Abigny comme un personnage impulsif. À Poudlard, il est connu en tant que ce gars drôle, charmeur, amateur de joutes verbales, certes, mais détaché au possible. À cet instant, pourtant, le prétendu self-control du jeune Italien quitte son corps en quelques secondes. Les sourcils froncés par un mélange de déception et de colère, le sorcier se rapproche du brun et monopolise son champ de vision. Lentement, pour donner toute l'attitude au brun de s'enfuir, le métis place un de ses bras sur l'accoudoir derrière Théo, observant avec satisfaction le visage de l'objet de son regard se peindre d'une nervosité surprise. « Théo, souffle-t-il, quand est-ce que tu m'as entendu clamer mon amour pour une seule des personnes avec qui j'ai couché ?» Le sorcier aux yeux verts déglutit, puis regagne son aplomb. Blaise observe avec un sourire amusé le brun croiser ses doigts sur son torse pour se défendre de l'intrusion de son meilleur ami dans son espace personnel. Théodore attache bien plus d'importance à ce concept que les autres garçons du château. Lors d'une tentative de câlin amical par le métis en première année, le petit sorcier l'avait giflé en criant « Arrière, maintenant !» Blaise s'est moqué de lui pendant plusieurs semaines, avant de comprendre que le fait que son ami soit si surpris par un geste d'affection était plus triste qu'hilarant. Les confessions du brun au fur et à mesure des années lui ont fait prendre conscience que sa famille de profonds connards, non, il ne regrette toujours pas l'insulte, en est responsable. Pour mettre son ami à l'aise, Blaise a donc fixé plusieurs règles. Pas de câlins amicaux, bien que Théo soit la seule personne qu'il a envie de serrer dans ses bras. Établir un contact visuel pour vérifier son humeur avec le jeune homme avant de le toucher, même pour une simple tape sur l'épaule. Et le défendre à tout prix d'agression extérieure. Le terme « agression extérieure » regroupant toute tentative de contact physique initiée par quelqu'un d'autre que Pansy, Millicent, Daphné ou lui. Son éruption dramatique dans l'espace personnel de Théo aujourd'hui n'enfreint ouvertement aucune des règles et son déplacement a donné le temps nécessaire à son meilleur ami pour fuir la scène si telle était son intention. Cela n'empêche pourtant pas la moitié de ses neurones de lui hurler qu'il est en train de passer son accès de colère égoïste avant le bien-être du brun. Le rythme sourd qui martèle toujours ses tempes lui rappelle malgré tout que Théodore, magnifique note, est en train de lui reprocher d'être un dragueur dédaigneux, ce qui est ridicule. Alors comme ça tu baises avec des gens pour qui tu n'as aucun sentiment? Demande Lady Théodore avec une déception glaciale. Blaise lève brusquement ses sourcils. Le verbe « baiser » est bien loin du vocabulaire raffiné que le petit génie aime à employer, et c'est la première fois que l'Italien l'entend franchir ses lèvres. Définitivement, cette conversation est différente de toutes celles qu'ils ont déjà échangées. Ce fait le désarçonne et le pousse à répondre sans réfléchir à ses paroles. Les gens en question sont parfaitement au courant, merci bien. Écoute, Théo, je ne vais pas priver le monde de ce corps d'athlète sous prétexte que la personne qui m'intéresse ne me verra jamais comme un compagnon potentiel. La bouche de Théo s'arrondit en un O parfait et ses sourcils viennent former deux arcs désarçonnés au-dessus de ses yeux. Là, Blaise réalise qu'il a merdé. La situation mérite clairement la grossièreté employée. Après des années d'esquive, de dissimulation et de mensonges indirects, il a révélé à son meilleur ami le seul secret dont il ne devait jamais avoir connaissance. Note de l'autrice. Alors, votre ressenti? J'ai essayé de décrire un note plus affirmé et un Blaise plus sentimental. Je trouve que ces facettes de leur comportement embellissent encore leur dynamique. T'es amoureux? Toi? S'étonne Lebrun. Dans d'autres circonstances, l'emploi du chaste « amoureux » aurait fait sourire le métis. Aujourd'hui, cependant, l'entièreté de ses cellules grises est déjà occupée à réfléchir à la solution qu'il va trouver pour faire oublier à Théo cette erreur. Peut-être que s'il sort sa baguette et prononce « oubliette » très rapidement, il pourra effacer la mémoire de l'autre sorcier. Sauf que le serpentard doit être sur ses gardes et est bien meilleur que lui en sortilège. Les 1000 pensées de fuite du bel Italien sont interrompues par la voix trahie de Théo. Blaise, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Le métis prend alors le temps de détailler l'expression de son voisin de canapé. Ses yeux verts sont toujours surpris, mais reflètent aussi une douce lueur de compassion. Sa bouche est tordue dans une expression étrange, comme si le jeune brun ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Enfin, ses joues pâles se sont colorées d'un rose délicat, sûrement par embarras d'évoquer la présence de sentiments romantiques. Blaise a beau chercher sur le visage de son ami une expression de ressentiment, il n'en trouve aucune. Comble suprême pour le séduisant mais insensible jeune homme qu'il est, Blaise Abini sent ses joues le cuir, comme si elles étaient en train de rougir. Quelque part dans son crâne, les quelques neurones encore en état de raisonner sourient de l'ironie de la situation. Sa colère déjà diminuée à l'égard du sorcier aux yeux émeraudes disparaît, remplacée par de la gêne. Parler de sexe avec Théo, c'est habituel et divertissant. Parler de ses sentiments avec le jeune homme, c'est la première fois. Tu n'es pas vraiment, enfin, bredouille-t-il. Où sont passés ses talents oratoires quand il en a le plus besoin? Le joli brun sourit, aussi moqueur qu'attendri, en le voyant s'en mêler. Tu ne m'as jamais parlé d'amour, toi? S'exclame-t-il, faute de mieux. L'Italien sait dès que les mots quittent sa bouche qu'ils sont ridicules. Excuse insuffisante, affirme l'autre sorcier. Les yeux émeraudes de Théodore avisent sa mine paniquée avec un soupir. Il change d'angle d'attaque. Bon, puis-je savoir qui est l'heureuse élue? Non, refuse Blaise sans hésiter. Théo émet un énième soupir dramatique destiné à lui faire savoir qu'il est vraiment un ami exceptionnel pour rester en compagnie d'un crétin aussi muet. Blaise lui renvoie un sourire contrit et décide qu'il va redevenir l'habituel Zabini assuré. Son meilleur ami a appris qu'il était amoureux? Peu importe. Le soleil continuera à se lever et la terre à tourner, quoique l'Italien ne soit pas si sûr de l'information, étant donné qu'elle provient du peu fiable cours d'études des moldus. Est-ce que tu serais alors disposé à m'expliquer pourquoi cette personne est si inaccessible? Parce que c'est toi, le garçon imperméable aux sentiments, mon meilleur ami qui ne voudra jamais rien de plus, l'homme sur qui j'ai vomi quand j'ai tenté de me déclarer durant notre quatrième année, l'amateur de romans romantiques où le héros fuit l'amour comme la peste. Cette fois-ci, le serpenteur à la pommade a la présence d'esprit de ne pas parler à voix haute. J'ai du mal à voir qui pourrait résister au grand Blaise d'Abigny, ajoute Théo, avec une ébauche timide de sourire. La taquinerie est une tentative du brun pour le détendre. Toutefois, le cœur de l'Italien se serre douloureusement. Si seulement son ami savait à quel point cette phrase est ironique dans sa bouche. Blaise pourrait facilement accepter la porte de sortie offerte sur un plateau pour revenir aux amicales moqueries dont ils ont l'habitude. Il lui suffirait de se vanter de sa plastique parfaite. Il n'aurait même pas besoin de mentir. Cependant, Blaise a déjà assez souvent fui dans sa vie. Aujourd'hui, il voudrait essayer de faire face. Le jeune homme est là, de contrôler chacune de ses actions dans la peur qu'il révèle son secret. Théo sait déjà que son cœur n'est pas la place fortifiée que tout Poudlard pense. Autant aller un peu plus loin. Peut-être que si l'autre sortie réagit positivement, il lui avouera tout et ils vivront heureux pour toujours. Ou plus probablement, peut-être qu'il pourra enfin se coucher ce soir sans ce nœud de mots refoulé dans sa gorge. Quelqu'un comme ta princesse de Clèves, s'entend-il répondre. D'abord, il a envie de se jeter un Avada Kedavra à la figure, parce que faire une métaphore littéraire est clairement une des manières les plus étranges d'aborder le sujet de son amour brûlant pour son meilleur ami. Toutefois, les pupilles de Théo brillent avec curiosité. Aussi change-t-il d'avis. Le brun appréciera sûrement une déclaration liée à un classique de la littérature française. L'idée est même étrangement romantique. Le bel Italien choisit avec soin ses mots. Au début du livre, tu as dit qu'elle ne ressentait rien pour personne. Le prince de Clèves est donc un choix par défaut. La personne dont je te parle est pareille, et contrairement au prince, je ne voudrais pas lui imposer mes sentiments. Le mot « sentiment » brûle ses lèvres en les franchissant. Blaise Abigny ne parle pas de « sentiment » en temps normal. Les sourcils de Théo forment un pli agacé, puis le brun soupire doucement. « Tu n'as toujours rien compris au livre, » remarque le sorcier. La princesse de Clèves admire beaucoup son mari, et même si elle avait rencontré le duc de Nemours avant lui, elle l'aurait choisi. Il lui offre une vie harmonieuse, car elle n'est pas dominée par la passion. Typique de Théodore Nott, songe Blaise avec tendresse. L'intrigue d'un vieux bouquin est bien plus intéressante à ses yeux que ma demi-confession. Mais moi, proteste-t-il avec un clin d'œil tendancieux, j'adore me faire dominer par la passion. Son ami lève les yeux au ciel devant sa démonstration de confiance typique. Le joli Italien devine facilement ses pensées. Quelque chose comme « Ah, le Blaise stupide et arrogant est de retour ». Les coins des paupières de Théo se plissent en d'adorables ridules. Sa bouche rose pâle est étirée en un sourire faussement las. Ses iris émeraudes sont plus hypnotiques que jamais. Les taches de rousseur sur son nez ressortent délicatement sur sa peau, comme de fraîches éclaboussures de peinture et... Blaise pourrait continuer cette liste pour toujours parce que tout, absolument tout, en Théo est splendide. De son tic de se mordre la lèvre à son rire au perché. Peut-être est-ce la soudaine réalisation que son attraction pour son meilleur ami est aussi intense qu'éternelle, la manière dont le regard du brun l'enivre plus que les vins hors de prix de ses parents, ou le seul accès de courage de ses lâches 17 années de vie, ou bien un ensemble de toutes les raisons précédentes et des mille autres qu'il tient secrètes. Mais le jeune métis décide que, s'il y a une infime chance pour que son être humain préféré soit heureux avec lui, alors il se doit d'essayer. Blaise a donc l'action la plus stupide et la plus intelligente de sa vie. Il se penche si près de Théo qu'il peut sentir son parfum d'encre et de fumée. Et il murmure tout contre son oreille, son souffle réchauffant la joue du garçon. Théodore Everett Nott, seras-tu ma princesse de Clèves? Les sourcils du brun se froncent en deux traits surpris. Ses lèvres pleines s'écartent et le rose sur ses joues se change en un vermillon violent. Blaise en déduit que ses chances de pouvoir embrasser son meilleur ami ce soir sont plus élevées que prévu et imagine déjà la sensation de sa bouche sur celle de l'autre sorcier. La pression d'abord délicate, puis plus intense. La main du superbe serpentard qui se loge dans ses boucles noires, les siennes qui reposent sur ses joues pour approfondir le baiser et... Les pensées optimistes de l'Italien sont violemment interrompues par un rire au perché. Le rire du meilleur ami en question, pour être plus précis. Un rire qui anéantit toute possibilité d'avenir à deux. Ramène un contact physique entre leur corps à l'état de simple fantasme qu'ils n'auraient jamais dû quitter et donne à l'Italien une furieuse envie de faire ses valises sur le champ pour aller vivre dans un pays où il n'existe aucun jeune homme brun sarcastique, cultivé, passionné et séduisant. Toutefois, le pire aspect de la situation est que, bien qu'il se moque clairement du flirt de Blaise, le rire de Théo fait toujours partie de son top 2 des sons les plus beaux de la galaxie. Le son en question devient irrégulier et particulièrement bruyant, donnant l'impression que le serpentard est en train de s'étouffer. Si cette hilarité n'était pas due à sa déclaration ratée, le métis serait fier de l'avoir provoqué. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas, et son acte irréfléchi va changer leur relation pour toujours. Dorénavant, il n'y a plus de Blaise et Théo, de discussions existentielles dans le dortoir endormi, de têtes posées avec négligence sur l'épaule de l'autre, de lectures à voix haute d'extraits de livres considérés comme des purs chefs-d'œuvre, Blaise, et de stratagèmes pour se débarrasser d'un ex de l'italien trop collant. Le nous s'est éclaté, et le jeune serpenteur a envie de pleurer jusqu'à la déshydratation. Ou mieux, de voler une des substances de Théo pour ne plus jamais, jamais ressentir ce vide croissant dans son âme. Ce qui est désormais impossible, puisque Théodore Nott n'est même plus son ami. Génial, incroyable, super. Pour ajouter à la joie de la situation, son camarade de dortoir réussit à articuler en deux quintes de rire. Ce genre de phrase marche vraiment d'habitude? C'est l'affront de trop pour le jeune homme. En l'espace d'une minute, Théodore Nott a piétiné ses sentiments, écrasé son honneur et rabassé ses techniques, usuellement infaillibles, de drague. Le sorcier italien sort de sa léthargie désespérée pour reculer à l'autre bout du sofa comme si le contact du brun le brûlait, ce qui n'est pas si éloigné de la réalité. Empruntant le geste à son ex-meilleur ami, Aïe, Blaise croise les bras devant lui pour protéger ce qui lui reste d'estime. « Théo, grince-t-il, j'ai compris que tu n'étais pas intéressé. Pas besoin d'en rajouter. Je suppose que notre amitié est déjà ruinée, donc je vais sortir de cette pièce et de ta vie. Je te demande, si tu as un jour un peu de respect pour moi, de ne raconter ce fiasco à personne. » L'hilarité de l'autre sorcier cesse immédiatement. Le brun redresse la tête et Blaise autorise un dernier regard à son visage harmonieux. Théo ressemble au guerrier pétrifié par la méduse dont il lui a raconté les histoires. Ses traits sont déformés par le choc, d'une façon si exagérée qu'elle en est presque comique. Ses sourcils ont atteint la racine de ses cheveux et ses yeux menacent de sortir de leurs orbites. En dépit de tout ça, il reste toujours aussi sublime pour le métis. Théo se mord la lèvre plusieurs fois. Blaise, malgré toutes ses bonnes résolutions, loge dessus et se décide enfin à expliquer sa réaction. « Tu le pensais, » déclare-t-il, mais son ton est plus incertain qu'affirmatif. Le bel Italien adopte une moulasse, autant clarifier la situation avant de s'enfuir. « Oui, Théodore, j'ai bien essayé de flirter avec toi. J'apprécierais que tu arrêtes de remuer le couteau dans la plaie. » Sa réponse renforce encore l'état choqué de son ancien ami. « Blaise Zabini a essayé de me charmer, » formule-t-il, comme s'il annonçait que Rogue avait décidé de devenir stripteaser, une pensée qui arrache un frisson de dégoût à l'Italien. Le jeune serpentard aux cheveux bouclés ouvre la bouche pour annoncer que la blague n'est plus drôle, mais quelque chose l'empêche de parler. Quelque chose qui ressemble fortement aux lèvres de Théodore Nott qui fondent sur les siennes. Blaise a un sursaut surpris. Toutefois, il décide rapidement que peu importe la raison pour laquelle les dieux ont décidé d'exaucer son souhait, il doit en profiter. Les doigts du brun s'en mêlent déjà dans sa chevelure, comme il l'avait imaginé. Délire-t-il? À la différence près que la sensation est infiniment meilleure. La bouche de Théo est douce et elle se presse contre la sienne avec une détermination maladroite, si typique du garçon que Blaise a envie de sourire. Ce qu'il ne peut pas faire, cependant, car son attention tout entière est concentrée dans la manière dont il peut utiliser son expérience pour donner à son ami le baiser le plus agréable de sa vie. Alors que les papillons qui ont élu domicile dans son ventre décident de dévorer son estomac, le métis renforce la pression entre leurs bouches. Il constate avec plaisir que la respiration de Théo s'accélère. Toutefois, il juge la réaction insuffisante. L'Italien veut faire éclater la bulle de contrôle qui protège encore l'autre jeune homme. Il en trouve donc sa bouche pour oser passer l'extrémité de sa langue sur la lèvre inférieure du brun. Blaise a fait ce geste des dizaines de fois, avec des partenaires bien plus expérimentés. Pourtant, il n'avait jamais ressenti cette excitation électrique qui met ses nerfs à fleur de peau. En réponse au contact nouveau, Théo laisse échapper un son étouffé, et soudainement, tous les muscles du métis se changent en gelée. Le serpentard aux yeux verts fait glisser ses mains jusqu'à ses joues pour rapprocher encore leur corps, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une masse informe de sentiments réchauffés par le plaisir. Finalement, les deux sorciers sont forcés de se séparer pour respirer. Dès que la bouche de l'autre jeune homme quitte la sienne, Blaise est écrasé par la sensation de manque. Les lèvres de Théodore Nott sont la substance la plus addictive que le geôlier italien ait jamais essayée. Il constate avec plaisir que le jeune homme à sa gauche paraît tout aussi content de l'expérience. Ses yeux brillent avec l'éclat que lui apporte la lecture d'un livre écrit avec talent. À la pensée qu'une activité romantique avec lui puisse rivaliser avec la plus grande passion du brun, une chaleur réconfortante se diffuse dans la gorge de Blaise. L'écarlate des joues de l'autre sorcier s'est transmis au reste de son visage et poursuit son chemin dans sa nuque pour disparaître sous son pull. Blaise a aussitôt un désir irrépressible d'explorer la suite du voyage de la rougeur sur le corps de Théo. En aurait-il le droit? Le baiser n'a pas entièrement effacé la confusion du beau métis. « Tu es un idiot », lui reproche Théodore, bien que son sourire démente ses paroles. La situation perd alors le peu de sens qu'elle possédait aux yeux de l'Italien. « Pourquoi ?» se défend Blaise. Il aurait voulu formuler une phrase plus construite. Cependant, après le baiser renversant qu'il a expérimenté, il ne fait pas confiance à sa bouche pour articuler plus de mots. Lebrun lève les yeux au ciel, en marmonnant, et leur habituelle routine d'échange faussement agacé semble reprendre. « Tu veux une lisse ?» ironise Théo. Voyant que les yeux de l'Italien restent fixés sur lui, il clarifie. « Parce que ta phrase de drague ressemblait à une blague. » La lumière se fait dans le cerveau embrumé de l'Italien. Théo a ri, non pas parce que sa technique de drague était ridicule, mais parce qu'il était convaincu que Blaise se moquait de lui. La réalisation réveille son envie de rire. Les deux crétins qu'ils sont auraient pu ignorer leurs sentiments parce que, bien qu'ils ne l'admettent pas encore, Théo ne l'aurait pas embrassé s'il ne ressentait pas quelque chose pour lui. Pendant encore plusieurs années avant de réaliser qu'ils étaient réciproques depuis le départ. Un sourire niais s'étale sur son visage à la pensée que son comportement héroïque leur a empêché ce contretemps. Parce que tes intentions n'étaient absolument pas claires et parce que... Il baisse la voix pour ajouter le dernier point. Et sa voix rauque fait frissonner le corps entier de Blaise d'anticipation. Peut-être que ce petit génie arrogant va admettre que ses compétences en baiser ne sont pas qu'une réputation, ou que sa déclaration était une perle de romantisme, ou encore qu'il brûle d'amour pour Blaise depuis leur rencontre dans le Poudlard Express. Mais non, Théo murmure en crânant. « Je ne suis pas une putain de princesse. » Et l'Italien n'arrive même pas à être déçu parce que cette réponse correspond bien mieux au personnage. Le brun ne lui fera jamais de grande déclaration. Ils n'auront peut-être ensemble pas de gestes plus sensuels que des baisers, et ils continueront à se disputer sur des sujets aussi futiles, mais ils seront heureux. Le métis en est sûr. Et, détail le plus important, Blaise pourra continuer à observer les changements subtils dans les goûts littéraires du brun. Il sera toujours là pour noter quels ouvrages sont posés sur la table de chevet, et pour l'entendre lui narrer ses histoires favorites. Théo n'est pas sa princesse de Clèves, mais Blaise a l'éternité pour trouver une métaphore à sa hauteur. Note de l'autrice. Et ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et vécurent heureux pour toujours. Non, je plaisante. J'espère que cette histoire aura su combler le vide de contenu thèse de cette plateforme, où vous constituez une culture littéraire. Croyez-moi, le résumé de La Princesse de Clèves est très fidèle. Les votes et les commentaires sont appréciés par l'autrice. Et par la narratrice. Merci d'avoir écouté. Où serais-je un jour? T'avouer comme je t'aime.